الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière, on avait traité du chapitre de la prière de l'éclipse. Donc la semaine dernière, on avait parlé de Al-Khutba. On avait commencé par le discours après la prière de l'éclipse. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce discours? Quand est-ce qu'il a lieu? Avant ou après la prière? Non, c'est les deux. Les deux? Non. Non. Avant et après, ou après, ça on avait dit que c'était pour la prière de la pluie. La prière de l'éclipse, la khutba, le discours, le sermon que fait l'imam, il se fait après la prière. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Quelles sont les choses qui sont conseillées préférables à l'imam de dire, les sujets par lesquels il doit exhorter les gens? La piété, de leur rappeler le jour du jugement, de les inciter à faire tauba, à faire le repentir, et de leur faire peur, et également de leur expliquer que l'éclipse n'a pas lieu à cause de la naissance ou de la mort de quelqu'un. Il doit aussi les conseiller ou conseiller aux gens de donner en aumône, de faire des bonnes œuvres, de faire l'amal as-saliha, de donner en aumône. Et à l'époque du prophète sallam, ceux qui avaient des esclaves, le prophète sallam ordonnait de les affranchir. Donc de faire le plus de bien possible. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le jugement de la prière de l'éclipse? On avait dit que c'était une obligation, que c'était un fard kifa'i, un fard kifa'i, c'est-à-dire que lorsque une partie de la communauté le fait, lorsqu'une partie de la communauté s'acquitte de cette prière, l'obligation est levée sur les autres. Et si personne ne l'a fait, alors chaque musulman aura sa part de responsabilité. Ensuite, on avait parlé de la prière de l'istisqa. Salat ou l'istisqa, la prière de la pluie. On avait dit que l'istisqa, il y avait plusieurs façons de demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, quand est-ce qu'il nous est légiféré de demander la pluie? En période de sécheresse. Quand il n'y a pas de pluie, ou quand il y en a peu, ou lorsque la pluie n'arrive pas au moment voulu. Ou bien, on avait dit une quatrième chose, quand est-ce qu'il était autorisé aussi de faire l'istisqa? Il fallait que le gouverneur le demande, mais on avait dit autre chose. Par rapport à la récolte. Lorsque la terre ne donne pas de fruits. Lorsque la terre ne donne pas de fruits, il est autorisé de faire la prière de la pluie, la demande de la pluie. On avait dit la demande de la pluie pouvait se faire durant les invocations. L'imam pouvait la faire pendant la khutbah du vendredi, pendant le discours du vendredi. Les personnes pouvaient les faire dans toutes leurs invocations, que ce soit pendant la prière ou à n'importe quel moment de la journée. Et il y a une autre façon de demander la pluie, c'est en faisant la prière de la pluie. Salat al-istisqa. Donc comment se déroule cette prière? Qu'est-ce qu'on avait dit? Elle se déroule dans un terrain vague, que ce que les savants appellent al-musalla. Elle ne se fait pas à la mosquée. D'accord ? Et lorsque les gens sortent de chez eux, se dirigeant vers Al-Musalla, vers ce terrain vague, afin d'y accomplir la prière de la pluie, qu'est-ce qu'ils doivent respecter comme comportement ? Ils doivent être humbles, humiliés. Ils doivent se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Pourquoi ? Car un manque de pluie est dû à quoi ? Est dû au péché. Le manque de pluie est dû au péché des gens. Ensuite, il y a la prière de l'istisra qui est composée de deux raka'at que l'imam fait. Et on avait dit que par la suite, ou avant, il est autorisé à l'imam de faire un discours, d'exhorter les gens, de les exhorter de se repentir de leurs péchés. Car si la situation est aussi critique que celle-ci, c'est à cause des péchés des gens. Et si les gens étaient pieux et désobéissaient le moins possible à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne connaîtraient pas de sécheresse. Et on avait dit que le discours pouvait être fait avant la prière, comme il pouvait être fait après la prière. Car les deux cas ont été rapportés dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'il est légiféré à l'imam de faire avant de retourner ses vêtements? De lever les mains, ça c'est pendant l'invocation. D'invoquer longuement, ça c'est pendant le discours. D'invoquer longuement Allah subhanahu wa ta'ala en levant ses mains et en les levant très haut. D'accord ? Et lorsqu'il a fini d'invoquer longuement et qu'il a fini son discours, qu'est-ce que l'imam fait ? Qu'est-ce qu'il fait l'imam ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tourné son dos aux gens. Il a tourné son dos aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il a retourné son vêtement. Il a mis la droite sur la gauche et la gauche sur la droite. Et il a mis sa cape, sa tunique à l'envers. D'accord ? Et d'autres versions, certaines versions citent que wa hawala an-nas rida'ahum. Une autre version cite que les gens présents, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ont retourné leurs vêtements. Mais on avait dit que cette version était da'if, elle était faible, donc qui ne devait pas être prise en considération. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retourné ses vêtements? C'est pour montrer qu'il change d'état, qu'il passe d'un état à un autre, qu'il passe d'un état de péché et de tort vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala vers un autre état de repentir et de bonne résolution. Vous ne saviez pas ça? Vous n'étiez pas la semaine dernière? Je ne l'ai pas dit ça la semaine dernière? Oui. Ensuite, on avait parlé de ce jeu de tilawa, la prosternation de la lecture. Quel est son jugement? Pas toujours les mêmes qui répondent. Elle est mustahabba, elle est recommandée et non obligatoire. Taïb, combien de sajda il y a dans le Coran? 14. On avait dit qu'il y a une divergence des savants entre 15 et 14. Et la divergence, elle intervient dans quelle sajda, dans quelle prosternation? De l'Hajj. On avait dit que dans surat al-Hajj, dans le Mus'haf, dans le Coran, qui est en arabe, il a été mis deux sajda, une au début de surat al-Hajj, surat le pèlerinage, et l'autre vers la fin. Et on avait dit que le hadith citait la prosternation à la fin de surat al-Hajj était da'if, n'était pas authentique. Donc ce qui est authentique dans la sunna du prophète sallam, ce sont 14 prosternations. On avait dit, je vais les citer rapidement, il y en a une dans la fin de surat al-A'raf, une dans surat al-Tonnerre, une dans surat les abeilles, une dans surat al-Isra, l'ascension, une dans surat Maryam, une dans surat al-Hajj, une dans surat al-Furqan, le discernement, une dans surat al-Naml, les fourmis, une dans surat al-Sajda, la prosternation, une dans surat Sad, une dans surat Hamim Fussilat, une dans surat al-Najm, l'étoile, une dans surat Ida Sama Unshaqqat, et la dernière dans surat Iqra, à la fin de surat Iqra, lit. Taïb, donc on a dit que la prosternation de la lecture était préférable, elle était recommandée, mais non obligatoire. Et on avait dit quelles sont les conditions pour la faire. Qui peut me dire quelles sont les conditions pour faire la, ce jeu de tilawa? Est-ce qu'il y a des conditions à respecter? Tu peux la faire à n'importe quel moment, d'accord, de la journée, c'est-à-dire même pendant les heures où il nous est interdit de prier, comme cela. Non, Hudayfa? Quelles sont les autres choses? On peut la faire en direction de la Qibla ou en dehors de la direction de la Qibla. On peut la faire en état de pureté ou d'impureté. D'accord? Tout cela est autorisé. Pourquoi est-ce qu'elle est recommandée et non obligatoire? Quelle est la preuve? Non. La preuve, c'est le hadith où le prophète avait lu surat al-Najm, surat l'étoile, avait fait la prosternation. Et lorsqu'un compagnon anhu, a lu sur le prophète surat al-Najm, ni le compagnon, ni le prophète ne se sont prosternés. Les savants ont déduit que cela prouvait le caractère préférable ou préférentiel de cette sajda, de cette prosternation, et non qu'elle était obligatoire. Et quelle est la preuve qu'il est autorisé de faire la prosternation de la lecture en dehors, en direction de la Qibla ou non, en état de pureté ou non? Quelle est la preuve? C'est que ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Quelle est la preuve que ce n'est pas une prière? Justement, il n'y a pas de preuve que c'est une prière. Ben si. Non. Le Moussa a dit les prières de la nuit et du jour sont deux par deux. La preuve que ce n'est pas une prière, c'est le hadith du prophète sallam, salatu al-layli wa an-nahar, mathna mathna. Les prières du jour et de la nuit sont au nombre de deux, au nombre de deux. D'accord? Donc les savants ont dit qu'une prière qui est composée de moins de deux rak'at n'est pas une prière. Sauf ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallam comme étant moins d'une rak'at et faisant partie de la prière, comme al-witr et comme al-janaza et comme salat al-khawf, la prière de la peur lors du combat. D'accord? Ce sont des prières qui se composent d'une rak'at, moins de deux, mais elles sont considérées comme des prières car le prophète alayhi salatu wasalam les a appelées ainsi. Taïb, concernant le takbir, lorsque tu as lu le verset qui contient la prosternation et que tu veux te prosterner, est-ce que tu dis Allahu Akbar ou non? Non. Il y a une divergence des savants. Est-ce quand tu es dans la prière, est-ce que tu dis le takbir ou pas? C'est préférable par rapport à ceux qui suivent le imam. Non. Pendant la prière, si l'imam il lit un verset contenant une prosternation, est-ce qu'il doit dire Allahu Akbar ou non? Pendant la prière de Dohor, il doit. Ouais. Donc pendant les prières à voix basse, tu dis qu'il doit dire Allahu Akbar à voix haute. Pourquoi? Pour pas que les gens derrière soient confus. Et à ton avis, en disant Allahu Akbar, les gens derrière vont pas être confus pendant la prière à voix basse. On avait dit que les savants avaient dit que pendant la prière à voix basse, il était déconseillé de faire ce jeu de tilawa. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans les prières sur les prières à voix basse, il est déconseillé à l'imam de faire la prosternation de la lecture parce que cela va créer le désordre dans la prière. En disant Allahu Akbar, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu dis Allahu Akbar et que tu te prosternes. Ils n'entendent pas ta lecture. Donc ils ne savent pas pourquoi. Contrairement à la prière à voix haute, les gens entendent la lecture. D'accord? Et on avait dit qu'il y avait une divergence des savants concernant le takbir, le dire Allahu Akbar pendant les prières de la prosternation, les prières de la prosternation de la lecture pendant la prière, qu'il avait deux avis. Le premier qui dit que il ne faut pas dire Allahu Akbar car cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallam. Les compagnons radiallahu anhum ont rapporté plusieurs faits du prophète sallam lorsqu'il s'est prosterné pendant sa prière et n'ont jamais rapporté que le prophète sallam faisait At-takbir. Et les autres savants ont dit, si l'imam doit faire le takbir, pourquoi? Car il y a un hadith du prophète sallam où les compagnons disaient kana yukabbir 'inda kulli raf'in wa khafd, que le prophète sallam disait Allahu Akbar à chaque fois qu'il s'abaissait et se relevait pendant sa prière. Donc ils disent que lorsque l'imam lit et qu'il s'abaisse pour faire la prosternation de la lecture, c'est un abaissement et un relèvement. Donc il entre dans le hadith où le prophète sallam disait Allahu Akbar à chaque rabaissement et relèvement. D'accord ? Donc il y a deux avis des savants. Et l'avis, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, que de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'il y a pour nous de meilleur, il n'a pas été rapporté que le prophète alayhi wa sallam le faisait. Ensuite, on avait parlé des mérites de la prosternation de la lecture. Quels sont ces mérites ? Non ? Le chétan, il pleure quand on se met en prosternation. Il y a un hadith du professeur Asselem qui nous dit que lorsque le musulman se prosterne après avoir lu un verset comportant ou contenant une prosternation, le diable y'atazil, il s'éloigne et pleure de remords. Il dit en parlant à lui-même et en parlant à ce musulman, il a été ordonné de se prosterner et il s'est prosterné à lui le paradis, et moi on m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé, à moi l'enfer. Taïb. Ensuite, on avait également parlé de les invocations à dire ou le rappel à dire pendant cette prosternation de la lecture. Qu'est-ce qu'on avait dit? Sajad awajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Il n'y en a que deux qui la connaissent. Il n'y en a que deux. Subhanallah. D'autres du'as, d'autres invocations. Allahumma laka sajadtu wa bika amant wa laka aslamt. Ensuite, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. On avait cité aussi un autre sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Il y a aussi un autre hadith, une autre version, une autre invocation afin à dire, où un homme avait fait un rêve qu'il lisait le Coran au pied d'un arbre, et arrivé à un verset contenant une prosternation, il s'est prosterné et l'arbre aussi s'est prosterné. Et l'arbre, en se prosternant, l'homme, dans son rêve, l'a entendu dire « Allahumma htut bihi anni wizra, htut anni biha wizra, waktub liya biha ajra, waj'alha liya dakhara. » Et un compagnon du professeur sallam par la suite a entendu le professeur sallam lorsqu'il s'est prosterné dans une des prosternations de la lecture, il a entendu le professeur sallam dire cette invocation. D'accord ? Donc il y a trois invocations rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé de la prosternation du remerciement. Sujoud al-shukr. Quand est-ce que sujoud al-shukr, quand est-ce que la prosternation de... Déjà, la prosternation de la lecture. Il y a combien de prosternations ? Une ou deux ? Une seule ? Une seule ou deux ? Une seule. Mais tifaq al-ulama. Les savants sont unanimes sur le fait que la prosternation de la lecture se compose que d'une seule prosternation. Et quant à la prosternation du remerciement, donc on avait dit, dans quel cas il fallait la faire ? Lorsque l'on t'annonce une bonne nouvelle qui te rend heureux toi, ou bien lorsqu'on annonce une bonne nouvelle qui peut rendre tout le monde heureux. Dans ces deux cas, il t'est légiféré de te prosterner en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un troisième cas qui est... Une grande épreuve. Non. Non. Quand Allah il éloigne de toi un mal. Donc on a dit lorsque on t'annonce une bonne nouvelle qui te rend heureux toi, personnellement, ou bien une nouvelle qui peut rendre tout le monde heureux, ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné un mal. D'accord ? Si je ne vous le souhaite pas, vous avez failli faire un accident grave, ben en t'arrêtant, la première chose que tu dois faire, c'est une chose préférable à faire, c'est d'arrêter de faire ce jeu de shukr, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir épargné de cet accident, car s'il avait lieu, peut-être que tu ne serais plus en vie. D'accord ? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de toi un mal, prosterne-toi en remerciement à lui, Azza wa Jal. Tayyib. Et qu'est-ce que l'on doit dire pendant cette prosternation ? Rien. Non ? Rien. Rien ? Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a pas d'invocation bien précise rapportée dans la sunna du professeur Asselem concernant précisément pardon, la prosternation du remerciement. Mais les savants disent que son jugement, sa façon, sa description et ses invocations sont identiques à la prosternation de la lecture. Donc tu dois la faire de la même façon, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une prosternation, que tu ne dois pas dire le takbir, d'accord, et tu dois dire les invocations que l'on a citées précédemment. C'est clair ou pas? طيب يقول المؤلف سجود السهو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة وصح عنه أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما ملخصها فيما يلي. Donc ensuite l'auteur parle du chapitre des prosternations de la distraction, sujoud as-sahw. Et la distraction en arabe ou en islam peut avoir deux sens. Lorsque as-sahw est précédé de la lettre an en arabe, elle est connotée péjorativement, c'est-à-dire que cette distraction est mauvaise et condamnée par la religion. Il y a la distraction qui est précédée de fi, c'est-à-dire en état de distraction, qui elle n'est pas un mal en islam. Quelle est la preuve que lorsque an précède le terme sahou, la distraction, que cette distraction est punie et dénoncée par la religion? Allah subhanahu wa ta'ala dit fawailu lil musallin, malheur à ceux qui prient, alladhina hum an salatihim sahoun, ceux qui se distraient de leur prière. Ce n'est pas ceux qui sont distraits pendant la prière, mais ceux qui se distraient de leur prière, c'est-à-dire qui ne la font pas comme ils devraient la faire, c'est-à-dire qu'ils ne la font pas à l'heure, voire qu'ils la négligent et ne l'accomplissent pas du tout. D'accord ? Donc il y a se distraire d'une chose et se distraire pendant cette chose. Se distraire d'une chose, en islam, cette distraction est interdite. Il est interdit aux musulmans d'être distrait vis-à-vis de sa prière, c'est-à-dire de la négliger. Il faut comprendre le terme sahou dans ce cas comme étant une négligence. D'accord ? Et il y a as-sahou fi salah, par exemple, la distraction pendant la prière, qui elle, c'est un mal ou pas ? Est-ce que c'est un mal d'être distrait pendant sa prière ? C'est un mal ou pas ? C'est pas un mal. Pourquoi est-ce que c'est pas un mal ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé plusieurs fois d'être distrait pendant sa prière. Donc la distraction pendant la prière, ce n'est pas un mal. Premièrement parce que ça fait partie de la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain comme ça. Et deuxièmement parce que la meilleure des créatures a été distraite pendant sa prière. Donc on ne peut pas dire que la distraction pendant la prière, c'est un mal. Non, ce n'est pas un mal. D'accord ? Donc il faut différencier « an as-sahw an shay » wa as-sahw fi al-amr aw fi shay. Et l'auteur dit, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était distrait pendant sa prière. Et il a été rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun. Je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Donc la distraction pendant la prière, ce n'est autre qu'un oubli. La distraction pendant la prière, ce n'est autre qu'un oubli. Mais la différence, les savants disent que la différence entre l'oubli et la distraction, c'est que l'oubli, lorsque tu parles de la chose à la personne, il s'en rappelle de suite. D'accord ? Et la distraction, lorsque tu parles à la personne, il ne sait pas. D'accord ? Une personne, par exemple, qui a oublié qu'il avait un rendez-vous. Tu vas dire, tu avais rendez-vous à cette heure-ci. Il va dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Une personne qui a, pendant sa prière, prié 3 rak'at. Il pensait qu'elle en avait prié 4. Lorsque tu lui dis, tu as prié 4 rak'at, tu as prié 3 rak'at au lieu de 4, il va te dire, non, j'en ai prié 4. Il a été distrait pendant sa prière. Et là, on voit la différence entre la distraction et l'oubli. L'oubli, la distraction, c'est un oubli. Toute distraction est un oubli, mais tout oubli n'est pas forcément une distraction. Vous avez saisi la différence ? Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez, فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et les savants disent qu'il est permis ou il est autorisé aux prophètes et envoyés d'oublier dans les choses de cette vie d'ici-bas. Qu'il est possible pour un envoyé, un prophète, d'oublier des choses qui sont en rapport avec cette vie d'ici-bas. Mais quant aux choses qui sont attrait à la religion, au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas oublier. Ils ne peuvent pas oublier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié des choses en rapport avec la religion. Il n'a pas oublié de transmettre quelque chose. L'oubli ou la distraction qui a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était uniquement dans les choses de cette vie d'ici-bas. Et en aucun cas dans son travail ou dans sa mission de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les savants disent, et la preuve dans cela, c'est qu'il n'y a aucune contradiction dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Dans tous ces hadiths, vous ne trouverez jamais une contradiction entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'oubli, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait même dans son travail de transmission, eh bien, il y aurait sans aucun doute des contradictions et des choses paradoxales dans ce hadith sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur dit وَشَرَعَ لِأُمَّتِي فِي ذَلِكَ أَحْكَامًا وَلَخِصُهَا فِي مَا يَلِي. Et concernant la distraction, il y a des jugements qui en découlent. Et ces jugements se résument par ceci. Donc, les causes, les savants disent que les causes de la distraction, de la prosternation, de la distraction à Afwan, sont au nombre de 3. Tu as le droit où il était obligatoire de faire des prosternations dans 3 cas. Le premier, lorsque tu ajoutes dans ta prière. Le deuxième, lorsque tu oublies dans ta prière, et lorsque tu as oublié quelque chose dans ta prière. Et le troisième cas, c'est lorsque tu as un doute. Ces 3 cas t'autorisent, voire t'obligent à faire les prosternations de la distraction. Et l'auteur dit, les jugements en rapport avec la prière de la prosternation de la distraction. Premièrement, إذا قام من ركعتي الفريضة بين قوسين إذا ترك التشهد الأول. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا أي انتظرنا ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حديث متفق عليه. Donc le premier cas dans lequel il est légiféré de faire la prosternation, les prosternations de la distraction, car on verra qu'elles sont au nombre de 2. La première, c'est lorsque la personne se lève de la deuxième raka'at vers la troisième directement, sans faire le premier tashahhud. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Buhayna, qu'Allah l'a gréé. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, a présidé la prière, a prié deux rak'at, puis s'est levé sans s'asseoir. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. Et les gens se sont levés avec lui. Et lorsqu'il a terminé sa prière, et que nous attendions son taslim, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, et qu'il était assis pendant le dernier tashahhud, les compagnons radhiyallahu anhum attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le taslim. Kabbara qabla taslim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir avant le taslim et a accompli deux prosternations, wa huwa jalis, en étant assis, thumma sallam, puis a fait le taslim. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux prosternations de la distraction avant avant le taslim. Donc lorsque tu te lèves, les savants ont déduit de ce hadith que lorsque la personne se lève de la deuxième vers la troisième raka'at en oubliant le tashahhud, premièrement la chose qu'elle ne doit pas faire, c'est se rasseoir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas rassis. Et la deuxième chose, pour compenser ce manque de cette prière, il doit faire les prosternations de la distraction avant le taslim. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. حديث صحيح. Il y a un autre hadith, le hadith de المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'un d'entre vous se lève après les deux raka'at, autrement dit, qu'il se lève directement sans avoir fait le premier tashahhud. فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسِ. S'il n'est pas complètement debout, le prophète Sassam a dit فَلْيَجْلِسِ, qu'il s'assied. فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسِ. Et s'il est debout, فَلَا يَجْلِسِ, qu'il ne s'assied pas, et qu'il fasse les deux prosternations de la distraction. Et qu'il les fasse avant. Et ça, on le déduit du hadith précédent, pas de ce hadith-là. Dans ce hadith-là, le professeur Hassan a dit et certains savants ont dit que lorsque tu te lèves directement de la deuxième vers la troisième raka'at, lorsque tu es plus proche d'être debout, yani de l'état debout que de l'état assis, alors tu restes debout. Et lorsque tu es plus proche de l'état assis que de l'état debout, alors assieds-toi. Mais il n'y a aucune preuve dans ce hadith de cela. Le professeur Hassan m'a dit « Ida statam qa'ima » lorsque tu es complètement debout. D'accord ? Donc lorsque tu es complètement debout, alors, ne t'assieds pas. Mais si tu n'es pas complètement debout, même si tu es presque debout, mais que tu n'es pas complètement debout, alors, assieds-toi. D'accord ? Et les savants qui disent, lorsque tu t'approches de l'état debout ou de l'état d'assis, il n'y a aucune preuve dans cela. Comme le cite l'auteur de ce livre, en annotation. Et c'est l'avis aussi de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le deuxième cas dans lequel il est légiféré de faire la prosternation de la distraction. Thaniyan idha salla khamsa, lorsque la personne prie 5 raka'at. La preuve, an Abdullah radiyallahu anhu. Abdullah huna c'est Abdullah ibn Mas'ud. Lorsque Abdullah est cité dans les hadiths du professeur sallam, lorsqu'il est cité comme ça sans précision, c'est toujours عبد الله بن مسعود. عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. حديث متفق عليه. Selon عبد الله بن مسعود كالله لغري, le prophète صلى الله عليه وسلم a prié un jour la prière de Dhuhr 5 rak'at. Il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a eu un ajout dans la prière? Car les compagnons pensaient que c'était une révélation qui avait été apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensaient que la prière de Dhuhr n'était plus de 4 mais était de 5, et que cela était une révélation et un changement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wamadhak, pourquoi? Que se passe-t-il ?» Faqala sallaita khamsa, l'homme lui a dit « Tu as prié 5 rak'at. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux prosternations ba'dama sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux prosternations de la distraction après le taslim. Après le taslim. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثالثا إذا سلم في الركعتين أو ثلاث. Le troisième cas dans lequel il est légiféré de faire la prosternation de la distraction, c'est lorsque la personne finit sa prière au bout de 2 rak'at ou de 3. Au bout de 2 rak'at ou de 3. C'est-à-dire lorsqu'elle finit sa prière avant de l'avoir terminée. Vous suivez ou pas ? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع حديث متفق عليه. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière au bout de 2 rak'at. Et Dhul Yadayn, si on traduit littéralement, celui qui est doté de grandes mains, il était appelé ainsi car il avait des grandes mains, radiallahu anhu. Dhul Yadayn a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la prière a été diminuée? Ou alors as-tu oublié, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui étaient présents, à Sadaqa Dhul Yadayn, est-ce que Dhul Yadayn dit la vérité? Les gens lui ont dit oui, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé, a prié les 2 rak'at manquantes, puis a fait le taslim, puis a fait le takbir, a dit Allahu Akbar, s'est prosterné comme il se prosterne durant sa prière, voire plus long, puis s'est relevé de sa prosternation. Et dans une autre version de Bukhari, il a été cité, dans une autre version, puis le prophète sallam a dit Allahu Akbar et s'est reprosterné, a redit Allahu Akbar et s'est relevé, puis a fait le taslim. Autrement dit, il a fait deux prosternations. Il a fait combien de takbir? Combien? Non? Non? 4? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 takbir. Après avoir accompli les 2 dernières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le premier takbir pour se prosterner, le deuxième takbir en se relevant de la première prosternation, le troisième takbir en se prosternant pour la deuxième, et le quatrième en se relevant de la deuxième. Donc en tout, ça fait 4 takbir, thumma sallam. Puis le prophète sallam a fait le taslim. Autrement dit, le prophète sallam a fait là, il a fait les 2 prosternations de la distraction après ou avant le salam? Après le salam. Après le salam. Taïb. Wa an Imran ibn Husayn. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. حديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم وابو داود. Un autre hadith, le hadith de Imran ibn Husayn, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié al-Asr 3 rak'at, puis est rentré chez lui. فدخل منزله. Et un homme appelé Al-Khirbaq, وكان في يديه طول, qui avait de grandes mains. Autrement dit, ذو اليدين. Toujours le même, radiallahu anhu, qui était quelqu'un de courageux. Car il n'hésitait pas à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se trompait pendant sa prière. Et les compagnons, radiallahu anhu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient peur de parler et respectaient trop le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons le voyaient, n'osaient même pas le regarder dans les yeux, par respect pour lui. Et rares sont les personnes qui osaient aller parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le faisait Dhul Yadayn. Et on en déduit de ce hadith que son nom est, le nom de Dhul Yadayn est Al-Khirbaq. Donc Al-Khirbaq est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, tu as prié 3 rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti énervé. Pourquoi est-il sorti énervé? Car il se sentait coupable, ou il se sentait gêné d'avoir terminé une adoration, d'être sorti d'une adoration sans l'avoir terminée. Donc cela a gêné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il traînait son rida. Al-rida, c'est pas al-izar. Al-izar et al-rida. Al-izar, c'est le tissu, l'habit du bas du corps, d'accord. Et al-rida, c'est l'habit du haut du corps. Car certains vont dire, oui, regarde dans ce hadith, il était dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il traînait son rida. Oui, le prophète traînait son rida, c'est pas son izar. D'accord. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traînait son rida? Pourquoi est-ce qu'il traînait son vêtement qu'il portait au-dessus de son corps? Car il était pressé d'aller voir les compagnons et de leur demander est-ce que vraiment il avait prié 3 rak'at au lieu de 4 pendant salat al-asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement pressé qu'il n'a même pas eu le temps de mettre son haut et qu'il le traînait. Et arrivé aux gens qui eux attendaient, pourquoi est-ce qu'ils attendaient? Car il y a une chose inhabituel qui s'est produit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à l'asr 3 rak'at au lieu de 4. Donc les gens ne sont pas partis, ils sont restés. Et on parle justement de ce sujet. Comment cela se fait-il? Est-ce que l'asr maintenant est passé a été diminué à 3 rak'at, ou alors est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié? Ils ont attendu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il leur a demandé as-sadaqa hadha, est-ce que Dhul Yadayn a dit la vérité? Ils ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors prié une rak'at, puis a fait le taslim, puis a fait 2 prosternations, et enfin il a fait le taslim. D'accord? Tayyib. Donc ça c'était le 3e cas. Le 4e cas, dans lequel il est autorisé et légiféré de faire la prosternation de la distraction, rabi'an, idha lam yadri kam salla, lorsque la personne ne sait pas combien elle a prié. An Ibrahim, an Alqamah, قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص قال المؤلف شك إبراهيم والصحيح أنه زاد ذكره ابن الأثير في جامع الوصول فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قال صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Donc la quatrième situation dans laquelle il est légiféré de faire les prosternations de la distraction, selon Ibrahim, selon Al-Qamah, qui dit que Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, a dit Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et Ibrahim, un des rapporteurs du hadith, a dit Zada au naqas. Il ne savait plus si dans cette prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ajouté ou avait diminué. Mais les savants ont dit que l'avis le plus sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette prière, avait ajouté. Comme le dit Ibn al-Athir dans son livre, Jami' al-Usul. Falamma sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le taslim, il lui a été dit, ô envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis de la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Ils lui ont dit, tu as prié ainsi, ainsi. Tu as prié tant, tant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plié ses pieds, les a joints, s'est dirigé vers la Qibla, a fait deux prosternations, puis a fait le taslim. ثم أقبل علينا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers ses compagnons et leur a dit, si quelque chose survient concernant la prière, c'est-à-dire si un nouveau jugement arrive ou s'il m'est révélé un nouveau jugement concernant le nombre de rak'at des prières, je vous en informerai. Mais je suis une personne qui, je suis un être humain. J'oublie comme vous oubliez. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ. Et lorsque l'un d'entre vous doute pendant sa prière, فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ. Qu'il recherche la vérité. فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ. Et qu'il complète sa prière à partir de cette vérité qu'il aura recherchée. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Puis qu'il fasse deux prosternations, autrement dit les deux prosternations de la distraction. Donc là, on voit qu'il est légiféré de faire les deux prosternations lorsque la personne doute. Le professeur Sam a dit إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَى فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. On en déduit qu'il est légiféré de faire les deux prosternations de la distraction lorsque la personne a un doute. D'accord ? Parce que si on vous demande quelle est la preuve que quand tu doutes, il t'est autorisé de faire les deux prosternations de la distraction. La preuve est ce hadith. Et ensuite, l'auteur dit, en rapportant une parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, « وَالتَّحَرِّي يَكُونُ بِأَنْ يَتَذَكَّرَ مَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ فَيَذْكُرْ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ فَيَعْلَمْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا رَكْعَةِ وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين وقد ذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا وهكذا فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا. Donc ici, l'auteur donne l'explication de la parole du prophète alayhi salam, فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ, qu'il recherche la vérité. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, la recherche de la vérité se fait en se rappelant de ce qu'on a lu pendant la prière. Quand par exemple, s'il se rappelle qu'il a lu deux sourates pendant deux raka'at, il sait alors qu'il a lu, qu'il a fait deux raka'at et non une, puisqu'il se rappelle avoir lu deux sourates. وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول. Et il peut également se rappeler qu'il a fait le premier tashahhud. Dans ce cas, il sait qu'il a, il saura qu'il a prié une rak'at et non qu'il a prié deux rak'at et non une. Puisqu'il se rappelle avoir fait le premier tashahhud, donc automatiquement il a fait deux rak'at et non une. Donc s'il doute entre deux et une, il sait à partir de cela qu'il en a fait deux. وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة. Il peut également se rappeler qu'il a lu Al-Fatiha toute seule pendant une raka'a et qu'il a lu également Al-Fatiha toute seule pendant une autre raka'a. Là, il peut en déduire qu'il a prié quatre raka'at au lieu de trois. S'il doute s'il a prié trois ou quatre raka'at, il se rappelle qu'il a lu dans deux raka'at Al-Fatiha toute seule. En général, on lit Al-Fatiha toute seule durant les deux dernières raka'at. Donc s'il se rappelle avoir lu deux fois le Fatiha toute seule, automatiquement il en déduit qu'il a prié quatre raka'at et non trois. وَهَكَدَا فَإِذَا تَحَرَّ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ. Et ainsi de suite, lorsqu'il recherche ce qui se rapproche le plus de la vérité, il enlève alors le doute. Et il n'y a pas de différence dans cela, qu'il soit imam ou non, qu'il soit imam ou bien alors qu'il prie tout seul. Il lui est autorisé de rechercher la vérité en utilisant ses moyens, que tu sois imam ou que tu pries tout seul. Dans les deux cas, il t'est autorisé cela. فَإِذَا تَحَرَّ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ شَيْءٍ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلِ. Et s'il recherche la vérité mais que aucune des deux suppositions n'est plus forte que l'autre, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se baser sur la certitude. Autrement dit, il doit se baser sur le minimum. S'il doute entre deux, entre un et deux, il doit considérer qu'il en a fait une. S'il doute entre trois et quatre, il doit considérer qu'il en a fait trois. Ça, c'est après avoir recherché la vérité, et malgré avoir recherché, rien ne lui apparaît, rien, aucune des deux situations n'est plus sûre pour lui que l'autre, alors il doit se baser sur la certitude qui est le nombre le plus petit. كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. Hadith sahih, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. La preuve est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous doute pendant sa prière et ne sait plus combien a-t-il prié, trois ou quatre, alors qu'il enlève le doute et qu'il se base sur la certitude, puis qu'il fasse deux prosternations avant de faire le taslim, fa'in kana salla khamsan. S'il avait prié cinq, alors ces deux prosternations seront pour lui une intercession et une compensation de sa prière. وَإِنْ كَانَ صَلَّ إِتْمَامًا لِأَرْبَعَ كَانَتَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. Et si il a prié la totalité de sa prière sans avoir fait d'erreur, alors ces deux prosternations seront une humiliation pour le diable. D'accord ? Donc, lorsque tu te bases sur la certitude et que tu as ajouté dans ta prière, ou qu'à la fin ta prière n'était pas complète, ou tu as ajouté, alors les deux prosternations que tu feras sont une réparation de ta prière et sont une intercession en faveur de ta prière. Et si tu as accompli ta prière normalement, d'accord ? Eh bien, alors les savants disent, ou le professeur Sam a dit, que tu fais deux prosternations de la distraction et que ces deux prosternations seront une humiliation pour le diable. Seront une humiliation et un rabaissement pour le diable. Taïb, hukmu sujud sahwi. Le jugement de la prosternation de la distraction. Sujud sahwi wajibun. لأمره صلى الله عليه وسلم به كما في الأحاديث السابقة ولمواظبته عليه كلما نسي ولم يخل به مرة واحدة. Donc le jugement de la prosternation de la distraction, l'auteur dit sujud sahwi wajibun, la prosternation de la distraction est une obligation. لأمره صلى الله عليه وسلم به, car le professeur sallam l'a ordonné. Dans les hadiths, le prophète a dit « Falyajjud sajdatayn » qu'il fasse deux prosternations. Et l'ordre du prophète, on avait dit que c'était une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Or, le prophète a toujours fait les prosternations de la distraction et ne les a jamais délaissées, ne serait-ce qu'une seule fois. Le prophète, à chaque fois qu'il a été distrait dans sa prière, il a toujours fait les deux prosternations de la distraction. D'accord ? Mahalluhu. À quel moment doit-on faire les prosternations de la distraction ? Donc l'auteur cite la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول. Donc l'auteur ici cite du début à la fin la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui va expliquer à quel moment est-ce que l'on doit faire les prosternations de la distraction. Est-ce que l'on les fait avant le taslim ou bien alors après le taslim. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, l'avis qui paraît être le plus judicieux, c'est la différence entre la diminution, l'augmentation, et entre le doute lorsqu'il y a une présomption ou non. Lorsqu'il y a une présomption ou non. فإن هذا مع ما فيه من الاستعمال النصوص كلها. Et dans cela, il y a l'application de tous les hadiths. Mais également, il y a dans cela, cet avis est également soutenu par la raison. On va expliquer cela, inshallah. Donc ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah différencie, cite quatre situations. La première, lorsque la personne ajoute dans sa prière, az-ziyada ou an-naqs, lorsque la personne oublie quelque chose pendant sa prière. Et ensuite, il parle du doute et divise le doute en deux. Le doute lorsqu'il y a une présomption, lorsqu'il y a un soupçon, autrement dit, lorsque après avoir recherché la vérité, il t'est apparu qu'un avis ou qu'une situation était plus forte que l'autre. Et si tu doutes entre 3 et 4 raka'at, en recherchant la vérité, il t'est apparu que c'était plus 3 que 4. Donc là, il y a un soupçon, il y a une présomption. Ça, c'est une situation bien particulière. Et il cite aussi « Ash-shakku ma'a al-bina'i 'ala al-yaqin ». Il y a l'autre situation de doute lorsque tu ne peux pas privilégier une situation par rapport à l'autre et que tu te bases sur la certitude. Donc il y a quatre situations. Quand tu rajoutes, quand tu diminues, quand tu oublies en soupçonnant ou en soupçonnant fortement un cas par rapport à l'autre, et lorsque tu oublies sans pour autant différencier ou rendre un cas plus sûr que l'autre, dans ce cas tu te bases sur la certitude. وذلك أنه إذا كان في النقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah commence, explique la diminution. Il dit: et lorsqu'il y a une diminution dans la prière, lorsque il y a par exemple le délaissement du premier tashahhud, la prière a alors besoin d'être réparée. Elle a besoin al-jabr, on avait dit al-jabr, ça vient de réparer une fissure, une cassure. D'accord? D'où le terme al-jabira qui est le plâtre. Pourquoi est-ce qu'on met le plâtre? C'est pour corriger une fracture. D'accord? Ou un manque. Autrement dit, là, lorsque tu oublies le premier tashahhud, il y a un manque dans ta prière et ce manque, il faut que tu le combles. Il faut que tu le compenses. وَجَابِرُهَا يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامِ لِتَتِمَّ بِهِ الصَّلَاةِ. Et Cheikh l'Islam dit, et sa compensation doit être faite avant le taslim pour compléter et parfaire la prière. فَإِنَّ السَّلَامَ هُوَ تَحْلِيلٌ مِنَ الصَّلَاةِ. Car le taslim, il termine la prière. Il t'autorise les choses qui te sont interdites pendant la prière. Je ne sais pas si vous avez compris la parole de Cheikh l'Islam. Il dit en fait que lorsque tu oublies, tu as un manque. Et ce manque, il faut que tu le complètes avant d'avoir fini ta prière. Et comment est-ce que tu complètes ce manque? En faisant les deux prosternations. Et il faut que tu fasses les deux prosternations avant ta prière pour que ta prière soit complète. Si tu les fais après, tu auras fini ta prière sans l'avoir pour autant complétée. D'accord? Donc en fait, Cheikh l'Islam ici, il est en train d'argumenter, en train de dire que à chaque fois que tu fais un manque dans ta prière, que tu as manqué quelque chose dans ta prière, tu dois faire les deux prosternations de la distraction avant la fin de la prière. Avant le salam, avant le taslim. C'est clair? Taïb. وإذا كان من الزيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين الزيادتين بل يكون السجود بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة. Il dit, et concernant l'augmentation, lorsque tu as ajouté pendant ta prière, comme si tu as ajouté une rak'at, par exemple, لم يجمع في الصلاة بين زيادتين. Tu as ajouté une rak'at. Et Cheikh Al-Islam dit, il ne faut pas faire deux ajouts pendant la prière. بل يكون السجود بعد السلام. C'est pour cela que le sujoud, les deux prosternations, doivent se faire après le salam. Car on a vu dans les hadiths précédents que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié 5 raka'at, il avait fait les deux prosternations après le salam. Et Cheikh l'Islam explique pourquoi. Il dit, afin qu'il n'y ait pas deux ajouts pendant la prière. Parce que tant que tu n'as pas fait le taslim, tu es encore en prière. D'accord ? Et le fait de faire les deux prosternations de la distraction avant d'avoir fait le taslim, c'est un ajout que tu rajoutes à un autre ajout. D'accord ? D'où le fait de faire les deux prosternations de la distraction lorsque tu ajoutes quelque chose dans la prière après le salam. Donc une fois que la prière est terminée. Vous avez compris ? Et il dit « وَهَدَ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ » Et ces deux prosternations, si on demande alors pourquoi les faire, puisque la prière est finie, pourquoi les faire ? Le prophète sallam nous a dit pourquoi ? فَإِنَّهُ تَرْغِيمُ لِلشَّيْطَانِ C'est une humiliation et un rabaissement pour le diable. D'accord ? وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ وَتَحَرَّ فَإِنَّهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَإِنَّمَا السَّجْدَتَانِ لِتَرْغِيمِ الشَّيْطَانِ وَكَذَلِكَ Et également, lorsqu'il a douté, mais qu'une situation, mais qu'il a privilégié un cas par rapport à un autre. Il finit alors sa prière. Et lorsqu'il a privilégié un cas par rapport à l'autre, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. D'accord ? Mais malgré cela, le prophète sallam a dit de faire deux sajdat, deux prosternations après le salam. Et ceci, pourquoi ? Pour rabaisser le diable. فَيَكُونُ بَعْدَ السَّلَامِ وَكَذَلِكَ إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان. Donc ça c'est lorsque tu as oublié ou tu as douté, pardon, mais que tu as privilégié un cas par rapport à un autre et que par conséquent le doute a disparu. Mais tu dois faire les deux prosternations de la distraction après le taslim pour rabaisser et humilier Ash-Shaytan. وَأَمَّا إِذَا شَكَّ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الرَّاجِحُ فَهُنَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا فَالسَّجْدَتَانِ يَشْفَعَانِ لَهُ صَلَاتَهُ لِيَكُونَ كَأَنَّهُ قَدْ صَلَّى سِتًّا لَخَمْسًا وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامِ. Et lorsque tu as oublié et que aucun des deux cas, tu n'as privilégié aucun des deux cas, alors tu dois faire les deux prosternations avant le salam. Pourquoi ? Car quand, si tu doutes, il y a possibilité que tu en aies fait moins. Donc dans ce cas, le fait de faire tes deux sajdat, tes deux prosternations avant le salam, seront une compensation de cette prière. Et si tu as fait ta prière dans sa totalité, alors ces deux prosternations seront une humiliation pour le diable. وهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من النصوص. Et Cheikh Al-Islam dit, et cet avis que nous crions fort et que nous soutenons est l'avis qui utilise l'ensemble des hadiths. Il ne laisse aucun hadith et utilise une analogie vraie qui la yatruk minha hadith ma'a isti'mal al-qiyas as-sahih fima lam yarid fihi nass wa ilhaq ma laysa bi mansus bima yushbihuhu min al-mansus. Donc autrement dit, Cheikh Al-Islam a dit que c'est en divisant la distraction de la personne en ces quatre situations, tu appliques l'ensemble des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté à ce sujet sans n'en délaisser aucun. D'accord ? Donc là, si on résume l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsque tu fais un ajout pendant ta prière, tu dois faire le taslim, les deux prosternations de la distraction, après le taslim. Lorsque tu as oublié quelque chose dans ta prière, tu dois faire les deux prosternations de la distraction avant le taslim. Lorsque tu oublies, soit tu privilégies un cas par rapport à un autre, dans ce cas, tu dois faire les deux prosternations après le taslim. Ou soit tu ne privilégies aucun des deux cas, dans ce cas, tu fais les deux prosternations avant le taslim. C'est clair ? Allez. Et si quelqu'un vous dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a cité le hadith, il a prié deux raka'at. D'accord ? Et lorsqu'il a demandé à ses compagnons, lorsque ses compagnons lui ont demandé, est-ce que la prière a été diminuée ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé confirmation, et lorsqu'il l'a eu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait les deux raka'at manquantes, ensuite, sallam. Il a fait le taslim, puis a fait les deux sajda, puis a fait le taslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié dans sa prière ou pas ? Il a oublié ou il a rajouté ? Il a pris deux raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié deux raka'at, a fait le taslim et est sorti de sa prière. Il a oublié ou il a rajouté ? Il a dit afwan, il a diminué ou il a ajouté ? Il a diminué ou il a ajouté ? On a dit que lorsque il y a une diminution, les deux prosternations se font avant. Le professeur Sam ici les a faites après, malgré qu'il ait fait que deux raka'at au lieu de quatre dans sa prière. Il a rajouté au moment de la prière, il savait pas qu'il avait. Les compagnons qui nous rappellent, il avait un doute. Non. Il a rajouté avec question. Ahsan, les savants disent, dans ce cas, le professeur Asselem n'a pas diminué sa prière, mais il a ajouté. Et qu'est-ce qu'il a ajouté ? Le taslim. Car le professeur Asselem, au lieu de se lever pour la troisième et terminer sa prière, il a fait le taslim, il a fait le tashahoud, mais il a fait le taslim, d'accord ? Et lorsqu'il a été informé de ces distractions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté les deux dernières, a fait le taslim, et en arrivant au taslim, si on regarde la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté un taslim en plus. Donc c'est un ajout. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation, les deux prosternations de la distraction après le taslim. Ce qu'il faut savoir, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. La plupart des savants disent que de faire des prosternations de la distraction selon les détails qu'on a précisés là, selon l'ajout, la diminution, le doute, qu'il soit accompagné d'une présomption ou non, que cela est préférable. C'est la façon la plus préférable de faire les prosternations de la distraction. Mais qu'il était autorisé de faire la prosternation de la distraction avant ou après. Avant ou après. Ça, c'est l'avis de Jumhur al-Ulama. Donc, l'avis de la plupart des savants disent que cette façon de faire les prières, ces moments qu'on a cités de faire la prière, la prosternation de la distraction, c'est préférable. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui, considère que c'est obligatoire. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que tu dois faire les prosternations de la distraction selon les détails qu'il a cités. Obligatoirement, car c'est ainsi qu'a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres savants disent Al-amru fihi wasi', comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit Al-amru wasi', le sujet est vaste. Tu peux faire les deux prosternations avant le salam comme après. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a été questionné, quel est le jugement d'une personne qui fait les deux prosternations de la distraction avant le taslim alors qu'il devait les faire après. Et il a répondu par cette parole, c'est que la plupart des savants, l'avis de la plupart des savants, c'est que de suivre ces règles est préférable et non obligatoire. Donc que sa prière est valide, qu'il lui est autorisé de faire les prosternations de la distraction avant le taslim comme après. Et il a cité l'avis du cheikh de l'Islam Taymiyyah qui lui considère que c'est obligatoire. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, car rares sont les personnes qui connaissent toutes ces situations. Rares sont les musulmans qui connaissent toutes ces situations, tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses détails, lorsqu'il a ajouté, lorsqu'il a diminué, lorsqu'il y a eu un doute, lorsqu'il a un doute, et que ce doute est supporté, est privilégié, ou un cas est privilégié par rapport à un autre, ou lorsqu'il n'y a aucun cas de privilégié, dans ce cas-là, il se base sur la certitude. Les musulmans qui connaissent tous ces détails se comptent sur le doigt de la main. Donc on ne peut pas rendre cela obligatoire aux musulmans. D'accord ? Donc l'avis le plus sûr, Allah alam, comme c'est l'avis de la plupart des savants, c'est que cela est préférable et non obligatoire. Taïb, si l'imam s'est trompé pendant sa prière, s'est distrait pendant sa prière, et que une autre personne est arrivée en retard, est-ce qu'il doit suivre l'imam lorsqu'il fait ses prosternations de la distraction ou non? Tu entres dans la prière, l'imam a déjà commencé sa prière, tu ne sais pas où est-ce qu'il en est dans sa prière. À la fin de sa prière, l'imam fait les deux prosternations de la distraction. Donc soit il les fait avant le taslim, soit il les fait après. S'il les fait avant, les savants disent, tu dois le suivre. Car le prophète sallam a dit, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ أَوْ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَنْهُ. L'imam est là pour être suivi, ne divergez pas avec lui. D'accord? Et après, si l'imam fait des prosternations de la distraction après le taslim, les savants disent que la personne doit se lever, elle ne doit pas se prosterner avec l'imam. Et là, il y a deux cas. Soit tu es arrivé et que dans ta prière, tu as vu et tu as participé à la distraction de l'imam, ou soit tu n'as pas participé. Si tu as participé à la distraction de l'imam, alors tu dois faire les deux prosternations après le taslim. Sinon, tu n'es pas obligé de la faire. Vous avez saisi ou pas? Ça c'est la réponse que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a donné. Il a aussi été questionné concernant celui qui a oublié le premier tashahhud. Donc on a dit, celui qui a oublié le premier tashahhud, est-ce qu'il doit s'asseoir ou pas? Ça dépend s'il s'est levé ou pas, s'il était debout ou pas. Si on prend le cas où il n'était pas debout et qu'il se rassied, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit faire les deux prosternations de la distraction ou pas? Après ou avant? Après. Est-ce qu'il doit les faire déjà? Est-ce qu'il a fait quelque chose dans sa prière? Non, il a été distrait. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, la nunkir ala man yasjud wa la na'mur. Il dit, on ne fait pas de reproche à celui qui fait les deux prosternations et on n'ordonne pas de les faire. Autrement dit, ce n'est pas une obligation de les faire. D'accord? Ce n'est pas une obligation de les faire, mais celui qui les fait, on n'a pas à le blâmer. Pourquoi? Car le prophète sallam a dit, Les kulli sahwin sajdatan. Pour chaque distraction, il y a deux prosternations. Pour toute distraction, il y a deux prosternations. Non, là, ça rentre dans le cadre de la distraction. Non. Taïb. Ensuite, il y a un autre sujet, un autre cas qui peut arriver. Lorsque la personne a été distraite pendant sa prière, elle savait qu'elle devait faire, par exemple, deux prosternations après le teslim. Elle a fini sa prière, elle a oublié de faire les deux prosternations. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait quand ça rentre, ça dépend du temps. Naam ? Ça dépend du temps ? Ça dépend du temps qui est écoulé. Et certains savants disent, lorsque il faut regarder le temps après lequel tu t'es rappelé que tu avais oublié de faire les prosternations de la distraction. Si le temps est court, de quelques minutes, 4-5 minutes, alors tu fais tes deux prosternations, même si tu es chez toi. Tu fais tes deux prosternations et tu fais le taslim. Et si le temps est long, fatasqut alayk sujudassahu, fayasqut alayk as-sajdatayn. Et si le temps est long, alors tu es exempté de ces deux prosternations et ta prière est... Elle est valide ou invalide ? Elle est valide ou invalide ? Elle est valide. Elle est valide. Et celui qui délaisse les deux prosternations de la distraction volontairement, est-ce que sa prière est valide ou pas ? Elle est valide. Elle est valide ou pas ? Elle est valide. Les savants disent qu'elle est valide. À condition qu'il ait compensé sa distraction. Autrement dit, s'il a oublié par exemple une inclinaison dans une des rak'at, l'inclinaison, on avait dit que c'était un rukou', c'était un pilier. D'accord ? Et le pilier, il n'est pas compensé par les deux prosternations de la distraction uniquement. Il faut le refaire. D'accord ? Il faut le refaire. Donc si la personne a oublié par exemple le rukou', d'accord ? Et l'a accompli et a oublié de faire les prosternations de la distraction, sa prière est, elle est pas nulle, elle est valide, puisqu'il a accompli le pilier manquant. Il a refait le pilier manquant, mais il a oublié de faire les deux prosternations de la distraction. D'accord ? S'il l'a oublié volontairement, sa prière est valide, mais les savants disent fahuwa athim. Mais il a commis un péché. Pourquoi ? Car les prosternations de la distraction, on avait dit qu'elles étaient obligatoire. Il a commis un péché, mais sa prière est valide, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et donc, concernant celui qui a oublié les prosternations de la distraction, certains savants disent tout dépend du temps écoulé. S'il est court, il les fait. Si le temps est long, elles sont exemptées. Et d'autres savants, comme Cheikh Al-Islam, Taymiyyah, rahimahullah, disent que tu dois les faire au moment où tu t'en rappelles, même si il y a un laps de temps très long. Et Cheikh Ibn Baz l'a suivi dans cela. Cheikh Ibn Baz dit que tu dois faire les deux prosternations au moment où tu t'en rappelles, même si une longue période s'est écoulée. Quoi d'autre ? Cheikh Ibn Uthaymeen a aussi été questionné sur celui qui s'est trompé pendant sa lecture. Est-ce qu'il doit faire sujud as-sahw ou pas ? Est-ce qu'il doit faire les prosternations de la distraction ? Il a répondu que non. Il a répondu que non, car cela ne touchait pas à la façon de faire la prière. D'accord ? Et ce qui était rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam est distrait dans sa lecture, c'est quoi la sunna ? C'est de le corriger, de le souffler, de l'aider. D'accord ? Il n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui se trompe dans sa lecture, qu'il doit faire les deux prosternation de la distraction. Taïb. Maintenant, concernant l'oubli. Une personne qui a oublié un pilier de la prière, comment est-ce qu'il doit faire ? Donc on a dit que celui qui oublie un pilier de la prière, même involontairement, même par distraction, il doit obligatoirement le refaire, sinon sa prière n'est pas acceptée. D'accord ? Donc une personne qui oublie Ar-Rukou'. On va dire qu'une personne prie et se prosterne directement, sans faire l'inclinaison, par distraction. Elle ne s'en est pas rendue compte. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Si elle s'en rend compte, par exemple, à la deuxième prosternation, donc elle s'est prosternée, s'est relevée de sa prosternation, se reprosterne, et là, elle se rappelle qu'elle n'a pas fait l'inclinaison. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il se relève, il revient au rukou', et est-ce qu'il refait les deux sujouds ou pas ? Il refait les deux sujets. D'accord ? Et s'il s'en rappelle que durant le deuxième sujet de la deuxième raka'at. Donc la première raka'at, il a oublié de faire l'inclinaison, il a fait ses deux prosternations, s'est levé à la deuxième raka'at, a lu, a fait sa deuxième inclinaison, et au moment de la deuxième prosternation, de la deuxième raka'at, il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait un recours de la première. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit considérer la deuxième raka'at comme étant la première. Et il doit par la suite compléter une raka'at. Et ensuite, il doit compléter une raka'at entière. Donc les savants disent, comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ils disent que lorsque tu n'as pas atteint, lorsque tu as oublié un pilier, et que tu n'as pas atteint le même pilier de la deuxième raka'at, alors tu dois t'acquitter de ce pilier. Mais si tu t'en es rappelé après avoir accompli ce même pilier de la raka'at suivante, alors tu dois considérer cette raka'at comme étant la précédente. C'est clair ? Donc le recours là, que tu as oublié, la prosternation que tu as oubliée dans la première raka'at, si tu t'en es rappelé avant l'inclinaison de la deuxième raka'at, tu dois faire l'inclinaison et faire les deux prosternations et continuer ta prière. Mais si tu t'en es rappelé au moment de l'inclinaison ou après, alors tu dois considérer cette raka'at comme étant la précédente. Et continuer ta prière et rajouter à la fin la raka'at manquante. D'accord ? Et un dernier sujet, lorsque la personne a fait un oubli et un ajout dans la prière, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il fait avant ou après ? Avant ou après ? Après. Sinon, il aurait fait deux rajouts. Non, une personne qui a oublié et a ajouté dans sa prière. Avant et après. Par exemple, une personne qui a oublié le recours, d'accord, et a ajouté, par exemple, une jalsa, a fait une jalsa en plus, a fait trois prosternations. Il a oublié une inclinaison et il a rajouté une prosternation. Donc là, il a oublié et il a rajouté. Donc là, il est entre les deux cas, soit il fait les deux prosternations avant le taslim, ou soit après. Les savants disent qu'il doit le faire avant le taslim, que c'est les deux prosternations avant le taslim qui prévalent sur les deux prosternations avant. Pourquoi ? Car ce manque, il faut le compenser. Et ce manque ne peut être compensé qu'en le faisant avant le taslim, selon l'avis de Cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. On a vu que l'avis de la plupart des savants, c'est que tu le fasses avant ou après, cela est autorisé, mais le mieux c'est de le faire avant quand tu oublies, ou quand, quel est le deuxième cas où tu dois faire, où qu'il est préférable de faire les deux prosternations avant le taslim? Voilà, quand tu as un doute et qu'aucun des deux cas n'est privilégié. Et de faire les deux prosternations de la distraction après le taslim, lorsque tu ajoutes ou lorsque tu as un doute dans lequel tu as privilégié un des deux cas sur l'autre. C'est clair ? Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, ne voit même pas tout ce tafsil. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit que la personne a le choix entre faire le sujoud de sahou avant le taslim ou bien après, et il n'est pas de l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah et des autres savants qui disent qui font ce tafsil, qui font cette précision et ces détails. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit il a été rapporté dans la sunna du professeur sallam qu'il le faisait avant, qu'il le faisait après. Les musulmans ont le choix entre le faire avant et après. Allahu a'lam. Thumma yaqulu al-mu'allif sujoud as-sahwi li tarki shay'in min as-sunan. Donc la prosternation de la distraction lorsque la personne délaisse une chose préférable de la prière. Délaisse une sunna de la prière. Man taraka sunnatan nasiyan sajada lis-sahwi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam likulli sahwin sajdatan wa huwa sunnah la yakun wajiban li'alla yazid al-far'u 'ala al-aslihi. Kama fi as-sayl al-jirar. C'est Al-Jirah, c'est un livre de... Qui connaît l'auteur? Al-Shawkani, rahimahullah. C'est un livre de Al-Shawkani, rahimahullah. Donc l'auteur dit, celui qui délaisse une sunna par oubli, il lui est légiféré de faire les deux prosternations de la distraction. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toute distraction, deux prosternations. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud ibn Majah, wa huwa sunna. Mais dans ce cas, les prosternations de la distraction ne sont plus obligatoires, elles sont préférables. Car tu as été distrait ou tu as délaissé une chose préférable, dans ce cas, il était préférable de faire les prosternations de la distraction. Et lorsque tu as délaissé une chose obligatoire, d'accord, ou un pilier, ou que tu as fait une chose qui annule ta prière, qui annulerait ta prière si tu l'avais fait volontairement, alors dans ce cas, les deux prosternations de la distraction sont obligatoires. Vous avez saisi ou pas? C'est clair pour tout le monde? Lorsque tu délaisses une chose obligatoire ou un pilier, d'accord, il t'est obligatoire de faire les prosternations de la distraction. Ou bien, lorsque tu as fait quelque chose pendant ta prière qui, si tu l'avais fait volontairement, l'aurait annulé, tu dois obligatoirement faire la prosternation de la distraction. Mais si tu délaisses une sunna, une chose préférable de la prière, alors il t'est préférable de faire la prosternation de la distraction. C'est clair ? Taïb. Taïb, maintenant, le dernier cas, j'ai essayé de vous proposer toutes les situations. Maintenant, celui qui s'est distrait pendant ses prosternations de la distraction. Celui qui fait sa prosternation de la distraction et il se relève du premier sujoud, il ne sait plus si c'est le premier ou le deuxième. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Il se bat sur le yaqin, mais quand on se bat sur le yaqin, normalement on doit faire quoi? Lorsqu'on se bat sur la certitude, qu'est-ce qu'on doit faire normalement après? Sujoud sahou? Ah mais là t'es pendant le sujoud sahou. Là t'es pendant les prosternations de la distraction. Et t'as été distrait pendant tes prosternations de la distraction. Qu'est-ce que tu fais? Non, les savants disent laïsa ala sujoud sahou, ala sahoui, fi sujoud sahoui, sujoud. Les savants disent, et même certains ont rapporté l'unanimité des savants, qu'il n'y a pas de prosternation de la distraction lorsque tu as été distrait pendant tes prosternations de la distraction. Wallahu a'lam. On اكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.